On va parler avec Pascal Masson des Alouettes de Montréal. Les Alouettes qui jouent ce soir contre les Argonauts de Toronto et Mark Trestman. Salut, salut Pascal. Salut Dan. Hey Pascal, hier j'ai eu David Ménard en entrevue. David Ménard qui est des Lions de la Colombie-Britannique, qui est un Ouais. gars de la région. Puis j'ai posé la question si Wally Buono, le fait que c'est sa dernière année, si ça motivait les joueurs. Il m'a dit que non, c'était comme une année comme un autre. Puis finalement, à la fin, pour savoir que David jouait pratiquement pas avec les Argonauts. Donc ça doit. Ça, j'ai ma partie de réponse, d'après moi. Hein. C'est un peu pour ça. Ben écoute, c'est sûr que David, c'est un joueur qui voyait quand même du terrain, puis qui faisait bien dans ce que moi je voyais sur le terrain. Ouais. C'est drôle que tu me parles de lui parce que justement la semaine dernière, je me disais j'aimerais ça avoir un peu les dessous de tout ça. J'ai de la misère à comprendre pourquoi David Ménard n'est pas sur le terrain en ce moment. Du moins, il n'y a pas une rotation, on le voit pas plus souvent. Puis là, ben justement, là, ce que tu poses la question, puis qu'il dit. J'ai posé la question, puis il a pas rencontré encore la direction des Lions à ce sujet-là. Il se propose à un moment donné si la situation perdure. Par contre, dans le cas de David, Est-ce que tu sais au niveau contractuel, c'est quoi? Il est où, lui, dans son contrat? je ne sais pas. OK. Donc, c'est à suivre certainement. Mais toi, là, David, Pascal, comme ancien joueur, là, un gars comme Wally Buono, qui tire sa révérence, qui est une légende du football canadien, c'est. Je dirais que c'est probablement le Don Shula de la Ligue canadienne de football, quelque chose de comme ça à peu près, c'est une bonne comparaison. Est-ce que tu penses que ça motive les joueurs? Ah, c'est les joueurs qui ont grandi sous Wally Bonneau, c'est sûr que pour eux, c'est une motivation. Ils l'ont vu gérer cette équipe-là d'une main de maître. C'est définitivement les vétérans, pour eux, c'est une motivation de tout faire ce qui est en leur pouvoir pour permettre à Wally Bonneau de sortir de cette dernière saison-là avec du succès, tu sais. Sauf que le fameux momentum de vestiaire, lui, est en lien avec les victoires et les défaites. Même si tu veux, quand t'es une victoire, huit défaites, à un moment donné, la lourdeur prend le dessus dans le vestiaire et puis là, il y a pas grand-chose à faire. Ah non, j'ai compris pourquoi David semblait. Il dit que c'est un vieux de la vieille. Sais-tu où Wally quand t'étais à Calgary? Non, non, moi quand j'étais à Calgary, Wally était avec les Lions. Ah, ok, on va. Ok, donc. Ok, on va se J'ai parler maintenant. jamais eu la chance d'être entraîné par Wally Bono, Ok. mais j'ai joué contre et puis j'ai vu l'homme génial qu'il était là. Ok. Ou qu'il est là. Ah, c'est clair que c'est quelqu'un de très gros. Puis, à quelque part, les Canadiens vont en perdre un gros. Pascal, hier, les Alouettes ont encore pris une drôle de décision. Leon Rice a été mis au balotage. Les Alouettes ont payé très cher Johnny Manziel. Rice était un des joueurs qui Qu'on avait se vantait acquis. d'avoir Ouais, eu. c'est ça. Puis comment t'expliques ça? Puis les Alouettes, là, ça fait deux matchs, ils vont mieux avec leur ligne à l'attaque. Mais par contre, tu pars tu payes très cher à Menza, puis Bryce était partant sur la ligne. Puis là, tu le mets au balotage. C'est assez bizarre comme décision, tu trouves pas ça? J'aimerais vraiment savoir une réponse pour toi, Dan, puis pouvoir expliquer ce genre de décision-là, mais en ce moment, je suis bouche bée de la continuité, de la constance des décisions des Alouettes par rapport au fait de la constance à quel point je suis déçu à chaque fois. Mais là, tu sais, Sherman, il s'agit d'une situation financière, contractuelle. Moi, c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Il faudrait que vous posiez des questions à Kevin Street. Kevin Street va dire quoi? Ah, son salaire était trop élevé. Écoute, tu fais la transaction, tu es au courant de son salaire? c'est Tu le clair. sais, les chiffres? Il me semble que si tu es un bon gestionnaire, tu as fait les calculs avant, là. Ouais, c'est clair. Puis écoute, c'est pas la première fois là qu'il ferait ça là. Burwood, rappelle-toi Burwood l'an passé. Rappelle-toi aussi Okiefor, c'est ça le joueur qui est signing avec les Lions, qui a été également soumis Oui, au balotage, qui avait été non, tu acquis parles à gros prix là. Donc, Oui, son nom il est difficile à dire, le là. pire qui est drôle, là, c'est que lui et David Foucault jouent sa même, jouent un à côté de l'autre. C'est Encore un. deux anciens Ouais, deux anciens des deux Alouettes. anciens des Alouettes. Mais Herb Zukoski dit ce matin dans la Gazette, semble-t-il, que c'est parce que Rice, son contrat, aurait été garanti à partir de ce soir. Oui, c'est possible, ça. On s'en vient dans, exactement dans les semaines où les contrats deviennent garantis. Mais, tu sais, je veux dire, ça aussi, tu le sais, cette information-là. Ouais, c'est sûr. Je la comprends parce que je l'ai vécu moi-même. Financièrement, si tu parlais de Jovan Olaf Foyer, ouais. Olafioye, Ouais, c'est ça, exactement. qui a été échangé pour David Foucault. Mais pour revenir à la transaction, tu es au courant qu'il coûte tant puis que à la semaine X, le contrat devient garanti et que tu auras une décision. Pourquoi tu mets ce joueur-là dans la transaction pour le. Ça s'explique pas, ça. Ça s'explique vraiment pas. Comme, à moins que tu me. À moins qu'on m'explique. Moi, il faudrait m'expliquer qu'il est arrivé dans le vestiaire, qu'il a pété une coche, qu'il a envoyé promener tout le monde, puis Voilà. que on peut pas accepter ça. OK, on a quelque chose. Il aurait fallu peut-être se renseigner un peu au niveau de son comportement. Si c'est pas ça, puis qu'on me dit que c'est une question financière de chiffres, ben vous avez fait mal vos calculs avant de le faire la transaction, là. Ah, c'est donc puis une autre décision bizarre, c'est qu'Anthony Pitkin, qui avait été congédié le 19 juillet, revient puis par bad luck, c'est une bad luck là, que c'est parce que Johnny Manziel se blesse, il serait pas là lui là. Donc, Non. et Pitkin fait bien. C'est un autre exemple encore de mauvaise évaluation des Alouettes. Ben là, tu sais, il a fait un match, là. Il Ouais. s'est bien, il s'est On va clairement attendre bien un peu, c'est battu sûr. dans les circonstances qu'on n'attendait pas grand-chose des Alouettes. Mais tu sais, il a bien fait, mais il a à peine 200 verges, 56%, une passe de toucher, une interception. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas perdu à cause de lui, là. Donc oui, il a bien fait, mais je suis pas mal sûr qu'on remet au balotage Pipkin, puis je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui se bousculent Non. pour le signer. Écoute, c'est tellement particulier, tu sais, les Alouettes, en ce moment, la qualité des joueurs qu'on offre sur le terrain. Et en ce moment, bon, c'est. T'as quand même Shields qui est revenu. Qui est habillé, Matt Shields. Puis on disait qu'il avait quand même bien fait aussi lorsqu'il avait été là. Cependant, il s'est blessé. Puis là, ben, on met Pipkins. On sait pas quoi faire, là. On sait juste pas quoi faire. Puis on n'a pas le calibre on n'a pas le talent sur le terrain pour faire quoi que ce soit. Donc, on essaye Pipkin, on dit, bon, il a fait pas pire la semaine passée. C'est des questions de feeling aussi. Les gars répondent peut-être bien à son leadership. Ça peut être une chose. Mais tu as raison que qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière sur le terrain? C'est quand même positif. Pascal, on va y aller maintenant. Est-ce que tu es toujours là, Pascal? Est-ce que tu es toujours là? C'est que. Oui, ok, on t'a perdu quelques secondes, Ouais, Pascal. là, j'étais là. Est-ce que tu es revenu? Moi, mais je t'entends. Ok, donc ce que je voulais dire, ce que je voulais dire là-dessus, c'est évidemment, c'est quand même particulier, mais écoute, c'est pas lui qui nous a fait perdre, mais ce soir, on va avoir une meilleure idée parce que les Argonauts ont eu le temps de l'étudier. Moi, ben oui, c'est ça. En plus, Les parce que vidéos. C'est là, ça, c'est à soir qu'on va en savoir davantage sur Anthony Pitkin. oui, tout Ouais. à fait. Et puis aussi. Il faut comprendre que les Alouettes avaient pas souligné que Menzel serait nécessairement pas de la formation la semaine dernière. C'est sûr que l'équipe s'est pas préparée en fonction de Pipkins, mais là on a des bandes vidéo sur lui. Mais tu sais, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes en ce moment qui se prépare en fonction des joueurs des Alouettes, Voilà. ils se préparent en fonction du système, des appellations de jeu, et on aborde le match de cette façon-là, selon moi, dans les équipes adverses. Je pense pas qu'il y ait aucun joueur qui fait une différence en ce moment, que tu mettes Pipkins, Matt Shields, puis à la limite, même Johnny Manziel, que j'adore voir jeu, puis que je suis vraiment déçu qu'il soit blessé, parce que c'est la personne qui me permettait de continuer à malgré que ce soit des défaites. J'aime ça le voir jouer, j'aime voir son comportement, son caractère. Bon, ben là, on n'aura pas une grosse préparation du côté des Argonauts, en plus qu'ils ont le vent des voiles, là, deux victoires d'affilée. Ouais. Puis depuis qu'on change de corps, ça va bien du côté des Argonauts, donc ça va être intéressant. Moi, j'ai failli poser la question à David Ménard, comment on voit les Lions, comment on voit les Alouettes à travers la Ligue canadienne, mais j'y ai pas, ça me tentait pas vraiment de, je sais pas si ça aurait été quoi sa réponse. Pascal, ton collègue Bruno Eppel, parce que tu fais un petit peu de RDS aussi, je sais pas si tu as lu la chronique de Bruno sur RDS.ca. Il a fait un bilan, le bilan de la saison le plus positif, OK? Ouais. Il est allé avec deux joueurs, Enoch Mwamba et Chris Hackey, après, puis William Stenback en attaque. C'est à peu près ce qu'il voit le plus de positif. Ouais. c'est difficile, hein? C'est on peut pas voir autre chose. Ouais, hein? On peut pas voir autre chose. Hackey, moi, je suis très très satisfait du joueur que je vois sur le terrain. Enoch Mwamba, il fait des bonnes choses. Il y a de la hargne, il y a de la fougue. C'est sûr que je m'attendais pas à grand chose d'Enoch Mwamba parce que il avait connu pas tant de succès depuis qu'il est là. Tu sais, c'est un bel athlète, mais là, ça paraît qu'il devient de plus en plus à l'aise comme vétéran, puis qu'il connaît plus la game. Donc ça, c'est effectivement une belle surprise en défensive. Mais après ça, tu sais, t'as Barron là-dedans que tu pourrais ajouter comme un nouveau joueur qui est le fun aussi, mais qui a coûté cher la semaine passée avec son indiscipline. Puis à l'attaque, c'est ça, là. C'est ça qui est ça. Puis surtout que Tyrone Sutton revient, il va être blessé, donc c'est Stenback qui va jouer comme... C'est ça, c'est Stenback qui va être... Non, on peut pas dire que Sutton est décevant, parce que Sutton... C'est juste ce joueur, mais par contre, il va être blessé à partir de soir. Ouais. Donc, non, c'est pas... C'est pas encore... C'est pas reluisant, mais il y a rien qui peut être reluisant avec un... une fiche d'une victoire, là. Ah, effectivement. Pascal, on se reparle vendredi prochain? Oui, absolument. Voilà, c'est Pascal Masson et la chronique chez les Alouettes.